Section numéro 10 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 2e. L'Europe féodale. Les croisades. 1095-1270. Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 2. Quatrième partie. Fin de la querelle des investitures. Le concordat de Worms. À la mort de Pascal II, janvier 1118, Jean de Gaët, moine du Mont Cassin, est élu sous le nom de Gélas II. La faction impériale dirigée par Cenzo Frangipani l'attaque, l'emprisonne, mais doit le relâcher. Henri V entre à Rome, d'où Gélas II s'est enfui. Désespérant de faire céder le pape, il crée un antipape, Burdin, ancien évêque de Braga, qui prend le nom de Grégoire VIII. Vaine mesure. Les antipapes ont encore moins d'autorité que les antirois. Henri V n'a-t-il pas lui-même sacrifié à Pascal II, en 1011, l'antipape Sylvestre IV? Gélas en appelle à la chrétienté contre l'empereur. Réfugié en Bourgogne, il préside un concile à Vienne, janvier 1119. Quelques jours après, il meurt à Cluny. Mais son successeur, Guido, archevêque de Vienne, qui devient Calixte II, est connu depuis longtemps comme un des plus ardents adversaires de Henri V. Enfin, après avoir encore essayé de lutter, l'empereur se décide à céder. À l'assemblée de Wurtzbourg, en 1121, il fait la paix avec Adalbert de Mayence et les princes allemands. Avec le pape rentré à Rome, l'accord s'établit à l'assemblée de Worms, septembre 1122. Les engagements réciproques y furent conclus. Moi, Henri, j'abandonne à Dieu, à ses saints apôtres Pierre et Paul et à la Sainte Église catholique toute investiture par la crosse et l'anneau. Je concède que, dans toutes les églises de mon royaume et de l'Empire, on procédera par élection conforme au canon et la consécration sera libre. Quant aux domaines et aux droits régaliens de Saint-Pierre, qui ont été enlevés depuis le commencement de cette querelle, au temps de mon père et de mon temps, je restitue ceux que je détiens. J'aiderai fidèlement le pape, afin que ceux que je ne détiens pas lui soient restitués. Dans toutes les occasions où l'Église romaine demandera mon appui, je serai son allié fidèle. Moi, Calixte, j'accorde que les élections des évêques et des abbés de Germanie, qui dépendent du royaume, aient lieu en ta présence, sans simonie et sans violence, afin que, si quelque dissentiment s'élève, d'après le conseil et l'avis du métropolitain et de ses suffragants, tu accordes ton approbation et ton appui au candidat le plus digne. Que l'élu reçoive de toi, par le sceptre, les biens et les droits royaux, régalia, sans exaction, sauf ce qui sera reconnu appartenir à l'Église romaine, et qu'il remplisse les obligations auxquelles il sera légitimement tenu envers toi de ce fait. Dans toutes les parties de l'Empire, que l'évêque ou l'abbé consacré reçoive les régales par le sceptre dans un délai de 6 mois, et qu'il remplisse les obligations qui en résultent. J'accorde une paix sincère à toi et à ceux qui ont été tes partisans au cours de cette querelle. Paix boiteuse, car les conditions en étaient mal définies et laissaient subsister les causes de conflits nouveaux. Dernières années de Henri V. Malgré tant de concessions, les dernières années de Henri V ne furent ni tranquilles ni heureuses. Quand il voulut, d'accord avec son beau-père Henri Ier d'Angleterre, attaquer le Capétien Louis VI, la France lui opposa une formidable armée. Peu de seigneurs répondirent à son appel. après avoir poussé jusqu'à Metz, il abandonna l'expédition. Les Allemands, dit à ce propos le chroniqueur Eckenhardt, se décident difficilement à attaquer les nations étrangères. Par cet éloge contestable, il veut sans doute donner à entendre qu'il se plaise surtout aux guerres civiles. Il ajoute en effet « À cette époque, en Saxe d'abord, puis dans presque toute la Germanie, les luttes extérieures étant assoupies, la tempête des querelles intestines se déchaîna. Les brigands, qui sous le nom de chevaliers pullulaient partout, envahissaient les domaines et les champs des églises, pillaient les colons. Henri V mourut le 23 mai 1125 à Utrecht. Traître envers son père, violent et ambitieux, il avait échoué dans toutes ses entreprises. Il laissait le pouvoir impérial amoindri, l'autorité royale affaiblie, l'Allemagne troublée. La féodalité s'était singulièrement fortifiée à la faveur de la lutte entre Rome et l'Empire. De plus en plus, les seigneurs se considéraient comme indépendants et perdaient l'habitude de distinguer entre leurs biens allodiaux et les fiefs qu'ils tenaient du roi. De plus en plus, les comtés cessaient d'être des subdivisions du royaume pour devenir de petits états au pouvoir de famille qui y fondaient de véritables dynasties. Au-dessus d'eux, les princes s'étaient accoutumés à mettre la royauté en échec au gré de leurs intérêts. Quant à la classe des hommes libres, elle ne se maintenait plus guère que dans les villes. Si le roi de Germanie est faible, l'empereur l'est plus encore. En Italie, dans le sud de la péninsule, l'état normand n'a cessé de s'étendre et de se fortifier, tandis qu'au nord, les villes où se développent les institutions municipales ont déjà prouvé, en soutenant la révolte de Conrad, combien leur union peut être dangereuse. En Bourgogne, l'autorité impériale n'est que nominale. Du côté du nord et de l'est, l'influence allemande sur les États slaves, sur la Hongrie, le Danemark, la Scandinavie est à peu près ruinée. En 1086, Henri IV a commis la faute de reconnaître à Vladislav, duc de Bohême, le titre de roi de Bohême et de Pologne. Triomphe de la papauté. Donc, à la fin de cette première période de lutte entre le sacerdoce et l'Empire, la papauté triomphe. Sans doute, elle n'a pas obtenu tout ce que réclamait l'ambition de Grégoire VII. La question même des investitures a été résolue dans des termes ambigus, destinés à ménager l'amour-propre impérial. Si le principe de la liberté des élections ecclésiastiques est affirmé, l'intervention de l'empereur n'est pas définitivement exclue. Les évêques et les abbés ne sont point affranchis de tout lien avec la société féodale. Ainsi s'accusait l'impossibilité de séparer la société ecclésiastique de la société temporelle ou d'établir définitivement l'une au-dessus de l'autre. Le succès réel de la papauté est d'avoir fait pénétrer son esprit dans l'Église, de l'avoir soumise à l'action continue de son pouvoir monarchique, d'avoir fait de Rome l'unique centre de la vie religieuse du monde chrétien. Dans la suite du Moyen-Âge, elle subira encore de terribles épreuves. L'Église cherchera à s'affranchir, à rétablir l'autorité des conciles sur les papes. Vains efforts. Au lendemain de ces crises, la monarchie apostolique se reconstituera d'après les principes mêmes de Grégoire VII, sans abandonner aucune de ses prétentions. Elle continuera à transformer en instrument de sa domination toutes les institutions ecclésiastiques, l'épiscopat comme les ordres monastiques. Le concile qui s'ouvrit en mars 1123 au Latran fut comme la reconnaissance solennelle de ce nouvel ordre de choses. On sait par Suger, qui était présent, que plus de 300 évêques y assistèrent. Le concordat de Worms fut porté à leur connaissance. En même temps, toute une série de canons consacrait les réformes de l'Église et ses victoires sur la société laïque. Prohibition de la simonie, interdiction aux prêtres, diacres, sous-diacres, moines, de se marier ou d'avoir des concubines. Défense aux princes et aux laïcs de porter la main sur les biens ecclésiastiques. Exclusion de la communion chrétienne de tous ceux qui dépouilleraient ou soumettraient à de nouvelles exactions les pèlerins se rendant à Rome. Autorité du pape en Allemagne. L'année suivante, un légat pontifical, Guillaume, évêque de Palestrine, était chargé de parcourir l'Allemagne pour achever la pacification des églises. Ce fait seul montre combien, à ce moment, l'autorité du pape y était reconnue. Au cours de la lutte, le nombre des évêques, des abbés, des fidèles, partisans de Rome et de la Réforme, n'avait cessé de s'accroître. Les idées de Grégoire VII avaient été accueillies avec ardeur dans des centres monastiques, et de là propagées au loin. Ce mouvement fut surtout actif en Souabe. Là, le grand monastère de Hirschau, dans la forêt noire, qu'on a pu appeler le Cluny allemand, fut de 1069 à 1091 sous la direction du Bavarois Guillaume, adepte passionné des réformes pontificales. Il les répandit dans les couvents de la Souabe, où Henri IV se heurta à une vive opposition. Hirschau était en relation avec Cluny, qui avait fondé dans cette région le monastère de Saint-Blaise. Une autre cause vint favoriser l'action des moines sur la société. Hirschau introduisit en Allemagne l'institution des frères laïcs. On vit alors non seulement des gens du peuple, mais de grands seigneurs s'affilier au monachisme et, comme leur nombre va sans cesse croissant, beaucoup vivent hors du couvent. En Souabe, se forme aussi l'institution des frères de la vie commune, analogue à ce que sera, dans la suite, le tiers-ordre franciscain. Des villages entiers y adhèrent. Ces clients du monachisme, mêlés à la société terrestre, y font pénétrer leurs idées. De la Souabe, l'action de Hirschau, de Saint-Blaise, gagne les régions voisines. La Franconie, la Thuringe, la Bavière, la Carinthie. Ils y réforment les couvents, y fondent des colonies. Tous ces moines et demi-moines forment une armée ardente et active au service de la papauté et des évêques qui s'inspirent d'elle. C'est encore avec l'assentiment de la papauté que l'Église allemande cherche à étendre ses conquêtes sur les peuples voisins. L'évêque de Bamberg, Otto, dans la lutte entre l'empereur et le pape, s'était toujours préoccupé de rétablir la paix. Alors qu'il avait dépassé 60 ans, il se fait l'apôtre de la Poméranie, que le duc Boleslav de Pologne venait de soumettre par une série d'expéditions heureuses. Avec l'approbation de Rome, il s'enfonce dans ce pays, 1124. Bien accueilli par le duc de Poméranie, Vratislav, il parcourt les centres habités, prêche le christianisme. Quand il retourne en Pologne, 1125, plus de 22 000 Poméraniens ont reçu le baptême, 11 églises ont été consacrées. Plus tard, un évêché y fut fondé. D'autre part, Calixte II, au concile de Latran, 1123, travaille à rétablir l'influence de l'archevêché de Brême-Hambourg sur les pays du Nord. Il crée un évêque de Scandinavie qui en dépendra. Cette tentative pour attacher la Scandinavie chrétienne à l'Église allemande ne devait pas réussir. La papauté et l'Italie. En Italie, les évêques de la Lombardie et de la Romagne, si longtemps rebelles, se sont soumis à Rome. Ceux du sud ont besoin de son appui contre les entreprises des princes normands. Au centre, sur son territoire même, la papauté voudrait briser la puissance des seigneurs qui se sont taillés de petits états dans le patrimoine de Saint-Pierre. Calixte II dirige des expéditions contre eux, les poursuit dans leurs repères. Il cherche aussi à mater ces familles turbulentes qui, à Rome, dressant leurs tours fortifiées dans les rues et jusque sur les monuments antiques, terrorisent la ville et y déchaînent l'émeute. La tour des Cento Frangipani, demeure de la tyrannie et de l'iniquité, est jetée à terre. Les événements qui suivirent la mort de Calixte II, décembre 1124, devaient prouver cependant que l'ambition des Frangipani était loin d'être brisée. La ville, dévastée par les Normands, présentait le plus lamentable aspect. Hildebert, évêque de Tours, qui la visita en 1106, pleurait sa décadence dans un poème d'une éloquente mélancolie. « Rien ne t'égale, ô Rome, tu n'es presque plus qu'une ruine, et cependant, toute déchue, tu attestes qu'elle fut auparavant ta grandeur. » Le long âge a détruit tes superbes monuments. Les palais des Césars, les temples des dieux gisent sur le sol marécageux. Calixte II chercha à réparer les maux de la guerre. Des aqueducs furent restaurés. Des travaux furent exécutés à Saint-Pierre, au Latran. L'ordre fut rétabli dans la ville. On put y circuler sans crainte. De son temps, écrit un contemporain, la paix était telle à Rome qu'aucun citoyen, aucun étranger ne portait plus d'armes, contrairement à la coutume antérieure. Ainsi, en 1124, la papauté dominait le monde chrétien. Mais la paix était mal définie, précaire, et l'Empire, obligé de céder, devait bientôt chercher l'occasion d'une revanche. Fin de la section 10.